Karoumanse au Sénégal à Dakar, la Guinée Conakry, la Guinée Guinée-Bissau, le Mali Bamako, à Liberia Morondia, Côte d'Ivoire Abidjan, le Burkina à Ouaga, le Ghana de Accra, le Togo de Lomé, le Bénin Cotonou, le Niger à Niamey, Niger à Lagos, le Soudan à Khartoum, Sierra Leone Africain, la Gambie à Banjul, Cameroun à Yaoundé, le Gabon Libreville, le Grand Zaïre à Kinshasa, le Congo Brazzaville, l'Angola à Luanda, Centrafrique à Pangui, et le Tchad à N'Djamena, Somalia Mogadiscio. Tanzania Dar es Salaam, le Kenya Nairobi, Burundi Bujumbura, le Rwanda Kigali, Uganda Kampala, la Zambie Lusaka, South Africa Pretoria, Namibia de Windhoek, Mozambique Maputo, Malawi Lilongwe. Aye Africa, Nengero Africa, aye Africa na Nengero Africa, aye. Thank you. Voilà ça.